La vache est un mammifère domestique pesant en moyenne 750 kg pour une taille au garrot entre 120 et 150 cm, dont la gestation dure environ 9 mois et aboutit la plupart du temps à la naissance d'un veau unique. Aujourd'hui, les chiffres ont augmenté, peut-être un chouïa trop, on va parler d'isolation de Billy O'Brien. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans 30 millions d'attaques, je suis avec Chris, salut. Hello. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, ça va. Quoi de neuf de ton côté depuis les derniers enregistrements, le mois dernier? Pas grand chose, hein, c'est toujours le chômage, donc c'est toujours la belle vie, forcément. puisqu'il n'y a pas à fournir du temps à un connard déjà blindé de thunes qu'on a rien à foutre de toi. Tu vas quand même donner raison à la droite à force de dire « Oh, le chômage, c'est la belle vie, c'est confort, oh, je profite des allocs, tout ça. Ah, » ah, ce ne sont pas des allocs, attention. c'est un droit au chômage. Et contrairement à ce que notre gouvernement veut nous faire croire, c'est de l'argent qu'on m'a pris de mon salaire à la base. Effectivement. Il faut quand même le rappeler. le gouvernement Macron essaie de nous faire croire que c'est du cadeau, mais non, non. Non, non, non. Je pense que tu demandes à... Je pense que tu demandes à beaucoup de gens, en vrai, beaucoup de gens te diraient « Non mais rendez-moi mon argent en fait, vu comment vous nous traitez de fainéants dès qu'on est au chômage, finalement je ne veux plus cotiser, donnez-moi ma thune directe. » Bah, je pense que c'est un des objectifs de tout ça, hein, c'est de supprimer les cotisations chômage, ce qui paraîtra un cadeau pour plein de monde, mais en échange, bah, le chômage n'existera plus. Hein, ah bah oui, parce oui. Parce que c'est vers ça qu'on se dirige de toute façon. Comme ils veulent qu'on fasse nous-mêmes nos propres retraites et ainsi de suite. Oui, ce sera aussi le cas pour les retraites avec des caisses privées et tout, ouais. Pas de politique dans mon podcast, Issam, s'il te plaît. Du coup, bah, aujourd'hui, nous allons parler d'un film d'attaque de vaches. Alors, il est à la frontière, hein. On s'est rendu compte en le regardant qu'il est à la frontière du concept de l'émission. Oui, oui. Mais bon, il est vu, voilà, on va le faire. Et puis en plus, il est intéressant. Donc, bah, c'est surtout ça, en fait, qui nous a dit, bon, allez, on va quand même en parler parce que... Oui, c'est voilà, c'est vrai que ça a joué... Ça aurait été pénible si ça avait été un film nul. Voilà. Mais du coup, je propose qu'on se lance. On va spoiler le film, évidemment. Donc, si vous ne voulez rien savoir, regardez-le avant. Un avertissement, c'est quand même assez gore, pour le coup. Oui, c'est vrai. Je n'ai imaginé ce protocole de manipulation génétique. C'est beaucoup trop rapide. Personne ne bouge d'ici. Je mets la ferme en quarantaine pour le moment. Il faut absolument détruire cet embryon avant qu'on ne soit tous contaminés. Je me suis trompé. Ça se transmet aussi à l'homme. Merde. Marie ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Déjà, pour parler de la vache, globalement, parce qu'on fait les animaux quand on les rencontre la première fois, donc la vache, c'est la femelle du bœuf domestique, le mâle est appelé le taureau, évidemment. Le nom savant, c'est Bosterus, et c'est donc un animal entièrement domestiqué. La dentition de la vache, parce que ce sera utile pour reparler plus tard dans le film, elle est adaptée pour brouter. C'est un animal qui a 32 dents, 6 prémolaires et 6 molaires en haut et en bas, sur les mâchoires inférieures et supérieures, et 8 incisives inférieures, mais pas supérieures. En haut, il y a ce qu'on appelle un bourrelet gingival à la place. Et en fait, les incisives servent à attraper la nourriture, a priori, les herbes et compagnie, et elle est plutôt broyée par les molaires. C'est un ruminant, donc ça mange tout ce qui est herbe, tiges, feuilles, etc., du foin ou autre équivalent pour quand les pâturages ne suffisent plus. Le but d'une vache, si c'est domestiqué depuis plus de 10 000 ans, c'est que ce soit calme, docile et que ça foute pas grand-chose, en très résumé. Globalement, si vous tombez sur une vache dans un pré, surtout vous inquiétez pas, hein, il vous arrivera rien. Ça se passe rarement comme dans le film, voilà. Oui, il y a peu de chances que ça termine en, en flot d'hémoglobine, quoi. À la limite, faites attention où vous marchez, il y a probablement de la merde partout, mais voilà, oui. C'est tout. Vous risquez pas trop de choses, quoi. Donc, Isolation nous raconte l'histoire de Dan, un fermier irlandais qui a accepté qu'un scientifique injecte des produits à une de ses vaches enceintes afin de gagner un peu d'argent. Mais quand la génisse naît après un accouchement très difficile, elle est difforme et agitée avec une mâchoire aux dents acerbes et elle doit être abattue. À l'autopsie, on réalise que, alors que le veau venait de naître, il était lui-même enceinte de fœtus monstrueux. Et le scientifique John arrive, celui qui faisait les expériences, et Dan, lui et les deux jeunes fugueurs, Marie et Jamie, qui sont par hasard sur les lieux, qui sont arrivés par malchance dans la ferme, doivent rester isolés le temps de neutraliser tout risque de contagion ou de fuite. J'ai oublié de te demander ce que tu pensais des vaches, du coup. Est-ce que t'as un avis sur la vache en général ? C'est un animal ni terrorisant ni beau, selon l'avis de notre ami des animaux. Tu connais toi aussi Tsum. C'est un animal con comme la lune. Genre, il n'y a pas plus con qu'une vache, de ce qu'elle dit. Mais sinon, écoute, moi je trouve que c'est un animal sympathique, c'est rigolo une vache, quoi. Oui. Oui, voilà, un peu pareil. Bah, je pense que c'est fait pour être pas bien malin, vu que c'est fait pour être hyper docile et juste pour suivre. Hein. C'est un animal d'élevage. Ouais. Est-ce que tu penses que ça serait des années d'évolution qui auraient conduit la vache à être totalement teubée ? Ah, mais je crois que pour la vache, c'est plus ou moins prouvé. Hein, ça. C'est un animal qui... ça fait partie des animaux, si on les lâchait dans la nature aujourd'hui, en fait, ça survivrait pas 5 minutes parce que ça a été entièrement... Enfin, on a sélectionné les espèces et compagnie entièrement pour que ce soit très très docile et soumis aux humains. Ouais. Donc oui, la vache, c'est volontaire. C'est pas un animal... déjà, c'est clairement pas un animal détestable, tu vois. Oui. Et puis c'est pas repoussant, tu vois, quand tu vois une vache comme ça, c'est pas non, laid. Bon, en même temps, on en voit un peu partout, donc... Oui, nous, on est habitués. C'est vrai que sur un territoire comme le nôtre, on en voit très souvent. Il n'y a même pas besoin d'aller très très loin en dehors des villes pour en croiser, quoi. Ouais. Moi, je crois qu'à travers le monde, la vache, il y en a un peu partout, non ? Ouais, ça doit être... Je crois. En même temps, c'est tellement simple à élever. Ouais, voilà. Peut-être pas au Sahara, mais bon... Oui, non, mais effectivement, mais... Alors, est-ce que les chameaux, finalement, ça serait pas l'équivalent ? Les vaches du désert. Les chameaux, les vaches du désert. On va soumettre ça à des scientifiques, on verra ce qu'ils en disent. Ça broute du sable, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Le scénariste et réalisateur d'Isolation, c'est Billy O'Brien. Et c'est son premier long-métrage. Avant, il avait fait quelques courts et un ou deux clips. Il dit qu'il a grandi dans une ferme. Et donc, en interview, il précise qu'il y a pas mal de souvenirs de cette époque qui l'ont inspiré pour Isolation. Quand on lui demande ses références en termes d'horreur ou de science-fiction, le premier qu'il cite et qui revient beaucoup au cours d'une très longue interview, c'est King, Stephen King. Ouais. Il a de base une formation de chef décorateur, d'où le fait que plusieurs de ses premiers crédits sur IMDb soient à ce poste sur des films probablement plutôt étudiants qui n'ont pas de pages détaillées. Et il n'a pas fait tant de films que ça, il en a fait 4 au total, dont un téléfilm pour sci-fi qui s'appelle Ferocious Planet. Les autres, ce sont Cynthia en 2014 et I Am Not a Serial Killer en 2016, qui est avec Christopher Lloyd. D'accord. C'est son dernier film en date, donc. Et les dernières interviews que je trouve de Billy O'Brien, qui datent de pas très très longtemps après la sortie, il parle de projets qu'il a, mais sans entrer dans les détails, et bah, visiblement, ça s'est pas mis en route pour le moment, en tout cas. Ça s'est pas très bien goupillé, quoi. Voilà. Le scénario d'Isolation est écrit par Billy O'Brien alors qu'il attend des réponses concernant d'autres projets qui auraient demandé plus de budget, et quand il l'a terminé, il le soumet au producteur français Bertrand Fèvre qu'il rencontre via un ami. C'est en grande partie grâce à ce producteur que la réalisation va se lancer, alors que Fèvre, c'est plutôt un producteur de films d'auteur, normalement, de trucs pas associés à l'horreur et au cinéma de genre. Oui. D'après Billy O'Brien, la première version du scénario était assez différente. La cause des problèmes, c'était du sperme de taureau roumain. Et le film avait, dans sa deuxième moitié, un ton bien plus comique avec des vaches vampires. Voilà. Ah oui, d'accord. Il partait sur un truc à la Black Sheep, quoi. Oui. Je sais qu'il y a des vaches vampires dans un film pour enfants appelé Petit Vampire, voilà. Ah d'accord. Je crois que c'est le Petit Vampire ou le Petit Vampire, enfin un truc comme ça. D'accord. Au casting, dans le rôle de Dan, le fermier, au départ, c'est Gabriel Byrne qui est approché parce que ça coûte pas cher de lui demander, mais il refuse poliment, dit le réalisateur, ce qui est prévisible au vu du budget du film qui était minuscule. Donc le rôle revient finalement à John Lynch, un acteur pas mal actif, mais que je connais très peu n'étant pas très calé en cinéma britannique et encore moins en cinéma irlandais. Visiblement, il s'est fait remarquer pour un film appelé Angel Baby en Australie en 1995. Et de 2020 à 2022, il a le rôle principal d'une série appelée The Head. Et Wikipédia indique qu'il a pas mal joué dans des films sur la guerre irlandaise dans les années 90. Voilà. Ok. La femme du couple de Fugger, Marie, est interprétée par Russ Nega, qui a un des rôles principaux dans Loving, de Jeff Nichols, pour lequel elle gagne un Golden Globe en plus de beaucoup d'autres nominations, dont les Oscars. Et elle a un rôle secondaire assez présent dans Ad Astra. Elle joue la directrice d'une des stations sur laquelle finit le protagoniste à un moment. D'accord. Elle regagne un Golden Globe en 2022 pour Clair Obscur de Rebecca Hall, aucun rapport avec le jeu vidéo. Oui. Et visiblement, elle a un rôle secondaire important dans les deux premières saisons d'Agents of S.H.I.E.L.D. Mais encore une fois, j'ai pas vu. Et un des rôles principaux de Preacher. Ça me dit rien. Enfin, son rôle dans Agents of S.H.I.E.L.D. me dit rien. Si j'ai pas vu Agents of S.H.I.E.L.D., donc je saurais pas te dire, mais elle est citée assez vite au générique. D'accord. Elle a aussi une carrière assez régulière au théâtre. Par exemple, elle a joué dans deux versions différentes dans Hamlet. Dans l'une, elle joue Ophélie et dans l'autre, elle joue Hamlet. Je trouve ça cool. Effectivement. Voilà. Son compagnon dans le film, Jamie, est joué par Sean Harris, qui joue le géologue de l'équipage dans Prometheus. Voilà. Et c'est Solomon Lane dans Mission Impossible Rogue Nation et Mission Impossible Fallout, donc l'antagoniste de ces deux films-là. Ok. Enfin, surtout de Rogue Nation, dans Fallout, il est un peu plus secondaire. Il joue le roi Arthur dans Green Knight de David Lowery, donc c'est un petit rôle, mais c'est vraiment un très chouette film. Et dans la série The Borgias. Et vers la même époque qu'Isolation, il joue dans un film d'horreur qui se déroule dans le métro londonien, ça s'appelle ouais. Creep, et ça rend un peu curieux, je sais pas, tu l'as vu ? C'est très très bien, voilà. D'accord. C'est par Christopher Smith qui avait réalisé le très bon Triangle également, quelques années après Creep. D'accord. Et qui a réalisé Severance en 2006, qui est très très bien aussi. Enfin bref, et j'aime beaucoup Christopher Smith. Il avait aussi fait Black Death, qui est un film qui se passe pendant la période de peste en Europe, avec un Sean Bean très très bon. D'accord. Bah, c'est un réalisateur qu'il faudra que je découvre un peu plus. Il y a plusieurs des films que tu as cités que j'avais envie de voir, mais j'ai jamais pris le temps. Ah, bah, tu peux. Tu peux prendre le temps. Le scientifique John est joué par Marcel Lurs, un acteur roumain. Lui, c'est dans le premier Mission Impossible qu'il a un rôle secondaire. C'est le gars qui est suivi par l'équipe au début lors de la mission qui dégénère où tout le monde se fait tuer. Alors, info news, Christopher Smith, on en parlera puisque en fin d'année sort Spider Island de lui, ah. Qui est un film d'attaque animale avec des araignées qui attaquent des touristes. Voilà. D'accord, c'est pas une adaptation de l'arc Spider-Man. Non. Voilà, ça sort le 29 octobre au Brésil. Pour l'instant, c'est la seule date de sortie. C'est très bien. Ah, c'est peut-être bon, une, bah, on ajoutera ça. C'est peut-être une coprod. C'est pas un réalisateur qui a énormément tourné, à mon avis, qui doit galérer un peu à trouver des financements, du coup. Ouais, il y a moyen, ouais. Marcel Lurs a joué aussi dans Le Pacificateur avec George Clooney et Nicole Kidman ou dans Mission Évasion avec Bruce Willis, des films que je n'ai pas vus, mais c'est aussi un acteur très actif au théâtre en Roumanie. Il est même directeur lui-même d'un théâtre. Et bon, bah après, tu vois, la Roumanie, c'est pas super loin de la France, à vol d'oiseau. Du coup, il a joué le capitaine Cheval dans Pirates des Caraïbes 3, le capitaine français, voilà, qui est censé être marseillais. Moi, pourquoi je dis pas. Ça passe. Voilà. De toute façon, le personnage, je vais dire deux mots dans le film. Et le dernier personnage qui apparaît pas mal, c'est la vétérinaire pote de Dan, via qui il s'est retrouvé dans cette histoire d'expérience, Orla, et elle est interprétée par Essie Davis. C'est une actrice australienne qui a joué la doctoresse du navire Hammer dans Matrix 2 et 3. Mais je me souviens absolument pas d'elle, c'est quand même un plutôt petit rôle. Oui, effectivement. Elle joue régulièrement des rôles secondaires dans les films de Justin Kurzel, parce qu'elle est mariée avec lui. Et elle a le rôle principal dans Mr. Babadook, dont on a déjà parlé, que toi t'aimes bien, moi moins. Oui, d'accord, ok. Donc c'est la mère, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, moi, c'est un film que j'aime bien, effectivement. Sans être, je trouve, le chef-d'œuvre que tout le monde... Enfin, que beaucoup, en tout cas, disent. Mais c'est un film que j'aime bien. Et dans les années 2000 au moins, elle est aussi régulièrement au théâtre. Je vois qu'elle joue également, qu'elle prête sa voix à un personnage de Gaoul également. Oui. L'un des Zack Snyder que j'aime. Oui, si c'est ce n'est ça, le Zack Snyder que j'aime. Je ne me souviens pas de quel personnage. Mais oui, c'est vrai que Gaoul est plutôt chouette, effectivement. Et c'est beau visuellement, en plus. Ah oui. C'est vrai que je le revois, mais je pense que ça n'a pas vieilli. Hein. Pour le coup, déjà à l'époque, c'était assez impressionnant. Ouais, je pense. Je pense qu'il est, l'a plutôt pas trop pris un coup de vieux. La photo est de Robbie Ryan, un directeur photo irlandais qui a plutôt un très beau CV, parce que c'est un collaborateur régulier d'André Arnold, par exemple. Tous les longs d'André Arnold, c'est lui qui en a fait la photo. Il a fait plusieurs Ken Loach à partir de La Part des Anges. Ah et oui. C'est le directeur photo de Yorgos Lanthimos depuis La Favorite. Ah aussi. Oui, ah oui, d'accord. Effectivement. À l'époque d'Isolation, il avait déjà travaillé avec Billy O'Brien sur son court-métrage The Tale of the Rats That Rot, et il avait déjà fait un court-métrage avec André Arnold, Wasp, mais c'est ensuite que sa carrière démarre vraiment. Là, on peut dire qu'il en était quand même encore à peu près à ses balbutiements. Et encore aujourd'hui, c'est un directeur photo qui continue à participer à beaucoup de clips et de courts-métrages, ce qui n'est pas forcément très habituel quand on est un technicien établi, mais lui, il continue à en faire pas mal et ça a l'air de compter pour lui quand il en parle brièvement en interview. Mmh. J'ai trouvé une très longue interview de Billy O'Brien, donc il a pu revenir un peu plus avant sur la production du film. Donc comme je l'ai dit, les souvenirs d'enfance à la ferme du réalisateur ont pas mal servi pour Isolation, que ce soit pour trouver le décor d'une ferme très isolée et austère, qui se trouvait à proximité de Dublin apparemment, ou pour les images très viscérales sur les corps d'animaux malades ou morts. En fait, O'Brien voulait donner à l'image un côté vétérinaire et documentaire, ouais. Avec bien sûr une volonté de faire passer un message sur l'utilisation de la génétique dans l'élevage, et aussi en tête l'épidémie de vaches folles qui était encore très dans les mémoires et même très active à l'époque, et qui a fait notamment des ravages justement au Royaume-Uni. Mmh. Le film est tourné en majorité dans une vraie ferme. Le plus dur a été, d'après Billy O'Brien, de trouver une fosse à purin en plein air, parce que c'était devenu rare en 2005. Elles étaient plutôt un peu enfouies et protégées à cause des émanations toxiques et aussi des fermiers qui se noyaient dedans. Ça arrivait 2-3 fois par an. Donc on a enterré les fosses. C'est con, quand même. C'est, vrai, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, c'est vraiment une mort de merde. Ouais, là, faut admettre, ça doit être très douloureux en plus, j'imagine. Mmh. La machine qui sert à extraire le veau, c'est une machine dont Billy O'Brien dit qu'il pense qu'elle n'est plus utilisée au moment de la sortie, car en fait, c'est une machine de torture, hein, globalement, c'est très très violent. Ah oui, j'imagine. Mais bien. Lui, il en avait une dans la ferme de son père, et il l'a plusieurs fois utilisée quand il était enfant, donc c'est un truc qu'il avait marqué. Et en fait, c'était devenu tellement rare au moment du tournage du film que le chef décorateur accessoiriste n'arrivait pas à en trouver une et qu'ils sont allés récupérer celle justement du père tout trouillé dans la ferme. Ah vache. Il y a de vraies vaches par moment, mais l'immense majorité des séquences, même avec les vaches, sont faites avec des animatronics. Tout l'accouchement est fait avec des animatronics, à part les plans sur les yeux ou les plans généraux. Mm. Billy O'Brien se souvient que sur le tournage, il y avait un peu un conflit entre Sean Harris, donc, qui joue Jamie, qui est adepte de la méthode acteur studio, et Marcel Lurs, qui joue John, qui est un acteur plus classique et dont l'anglais n'est pas la langue maternelle et qui avait donc besoin de beaucoup de répétitions, tandis que Sean Harris, lui, au contraire, aimait qu'il y en ait très très peu. Donc il y a eu un peu un conflit entre les deux pour trouver le bon équilibre, et O'Brien semble dire qu'il n'est pas totalement convaincu de la performance de Marcel Lurs dans le film. Il le trouve moins réaliste que les autres dans son rôle. Voilà. Okay. Quand on lui demande si le tournage a été difficile juste après la sortie du film, il dit qu'il y a eu son lot de difficultés, effectivement, mais que c'est surtout l'aspect financier qui a été compliqué, qu'il a eu énormément de mal à obtenir l'argent, et qu'il avoue être pas mal rancunier envers les réalisateurs qui ont des gros budgets et qui balancent l'argent par les fenêtres. Juste après la sortie du film, il dit ne pas vouloir se lancer tout de suite dans un nouveau projet, tant Isolation et le cours qu'il avait fait avant l'avaient fatigué. Quelques années plus tard, quand il en reparle, il semble plus apaisé, et il dit que comparé à d'autres réals de films de genre, lui, il a quand même eu de la chance, même pour trouver son budget, que ça a été plus facile pour lui que pour beaucoup d'autres. Les effets spéciaux sont de Bob Keane, qui est un directeur des effets spéciaux et réalisateur. Alors au poste de réalisateur, il n'a rien fait de très très marquant. Il a fait une adaptation du Monde perdu de Conan Doyle en 98 par exemple, mais visiblement c'est très nul. Ok. Aux effets spéciaux, par contre, il commence sa carrière dans les années 80. Alors il fait maquillage, effets spéciaux, un peu animatronics. Enfin, là pour le coup, il est très diversifié et il a plutôt une belle carrière, puisqu'il est sur, pour en citer pas mal, sur Krull, Cabal, les trois premiers Hellraiser. Ouais. Les trois premiers ou les trois seuls, je sais pas, Waxwork. Je sais pas s'il y en a plus de trois. Je crois qu'il y en a plus de trois. Je n'ai vu que le premier, hein, qui est très très bon. Ouais. Il me semble qu'il y en a plus que trois. Hein. Bah, il est sur les trois premiers, en tout cas. Ok. Il est aussi sur Candyman, l'original. Ouais. Sur Event Horizon. Et bon, bah, tu peux pas faire que des bons trucs. Alors, il est aussi sur l'Histoire sans fin. Et sur les animatronics et l'Histoire sans fin. Mais tu peux pas faire que des bons trucs. Il est aussi sur Donjons et Dragons en 2000. Celui avec Profion. Oui. Profion. Ouais. Ce nom. Et je sais pas si on l'avait mentionné, mais il est aussi sur Les Démons du Maïs 2. Ah. Voilà. Dont on a parlé dans un autre podcast. Effectivement, tu ne peux pas travailler que sur des bons projets, ce n'est pas possible. Ouais. Surtout dans un milieu artistique, ce n'est pas possible. Billy O'Brien dit que Bobkin a eu la tâche un peu ingrate de créer des animatronics à partir de designs déjà déterminés au moment où il arrive sur le projet, c'est pas lui qui a designé les créatures, et qui ont été pour une partie d'entre eux assez difficiles à fabriquer, vu qu'il y a des créatures avec squelette extérieur, donc ça, c'était plus compliqué de cacher... De cacher toute la partie technique. Oui. Le design des créatures, justement, est fait par deux personnes qui n'ont pas fait grand-chose d'autre, en tout cas pas au cinéma, j'ai pas vraiment trouvé de traces. C'est Steven Brown et Philippa Wright. Apparemment, ce sont des camarades d'université de Billy O'Brien, et Philippa Wright est depuis devenue son épouse. Ok. La musique est d'Adrian Johnston, qui, dans sa jeunesse, a été musicien en séance de projection pour films muets. Je trouve ça assez cool. C'est un peu à l'ancienne, en fait. C'est ça. Sinon, il a fait des musiques pour le théâtre, dont le Royal National Theatre et la Royal Shakespeare Company. Et du coup, à cause de ces trucs dans le muet, IMDb indique que sa carrière a commencé en 1921. Nous fêtons donc sa 105e année comme compositeur, même s'il y a un gros trou. Entre 1924 et 1996, il a pris des petites vacances. Pas mal, IMDb, pas mal. Il est pas mal actif sur des séries et téléfilms, beaucoup. Je le mentionne comme d'hab parce que c'est Sherlock Holmes. Il a fait La Revanche de Sherlock Holmes, parce que tous les Anglais travaillent un jour sur un truc Sherlock Holmes. Tu sais que t'es pas obligé celui-là, de partager tes kinks. Bah, celui-là, je vais te dire, je me souviens même pas de si je l'ai vu. Donc si je l'ai vu, c'est que c'est sûrement pas très bien. Le jour où un mec va bosser et sur du Sherlock et sur du Snoopy, bah alors là, c'est mort. Bah, tu sais qu'il y a des cours Snoopy où il est déguisé en Sherlock Holmes tout du long. Oui, oui, je sais, tu l'as découvert il n'y a pas longtemps. Voilà, bah oui. Globalement, à l'époque où il fait Isolation, Adrian Johnston, il était connu pour des films d'auteur ou des productions télé un peu prestigieuses façon BBC. Mais visiblement, il était fan d'horreur, donc il était content qu'on lui propose. Et il a fait aussi la musique des deux autres films ciné du réalisateur. Oui, ou du film The Stranger Pray at Night. Ouais. On peut mentionner aussi la série Tunnel, et on le reverra, nous, puisqu'il a aussi fait la BO de Primate l'année dernière. Oui, qui est sorti l'année dernière. Voilà. Lassie serait un vilain chien, on l'aurait vu aussi dans Lassie, mais bon. Ouais, non, elle attaque pas assez. Lassie, c'est chien fidèle, donc... Oui. Sur le site de son agent, je trouve sa biographie et il est précisé que son studio, c'est une chapelle désacralisée. Je trouve ça quand même très métal. Ah putain, c'est ultra classe. Ouais. La musique d'Isolation, en fait, elle est très très peu mise en avant dans le film et comme elle est pas mal aussi à base de sound design, elle se mélange souvent à l'ambiance sonore en général. Donc en fait, des fois elle est là, mais sans qu'on l'entende, on la confond avec le design ambiant. Du coup, j'ai assez peu de choses à en dire. Il y a une volonté de travailler sur le silence et les bruits d'ambiance. Du coup, à écouter en dehors, c'est pas très intéressant, ça se trouve. Officieusement, mais ça se trouve. C'est pas très intéressant à écouter en dehors, mais il faut admettre que dans le film, ça fait vraiment effet et qu'il y a une vraie démarche, là, pour le coup. Oui, c'est ça. Le film est présenté au Festival de Gérardmer en 2006, où il gagne le Grand Prix et le Prix de la Critique Internationale, ce qui ravit d'autant plus Billy O'Brien que le président du jury, c'était Hideo Nakata. Cette année-là. Ah oui. Alors, je vais pas spoiler mon avis sur Isolation pour le moment, mais c'est pas lui que j'aurais fait gagner quand même, moi, cette année-là. La sélection est pas folle, je trouve, en 2006. Il y a Hostel, par exemple, et d'autres trucs que je trouve pas très bien. Ouais. Mais j'aurais quand même fait gagner Nouvelle Cuisine de Fruit Chan, qui était en compétition à ce moment-là. Ah, Gérardmer 2027, il y avait Nouvelle Cuisine. Ouais. C'est quand même un concurrent très solide. Il y avait qui d'autre ? Le reste est pas fou. Enfin, j'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu est vraiment pas fou en 2006. C'était même l'époque où ça s'appelait encore Fantastic Art. Oui. Et non pas le festival de Gérardmer, tout simplement. Ouais, c'est comme les Républicains, ça change régulièrement de nom. Il y avait Fragile, de Balaguaro, que je n'ai pas vu. Je l'ai vu et après j'aime pas beaucoup Romé Balagueño, mais j'en ai pas un bon souvenir. Il en a raflé des trucs, hein, le fragile. Prix du jury, prix du jury jeune, prix du public l'Est républicain. Comment ça? Liberté de l'Est, c'est super. Prix 13e rue. Ah, c'est vrai que ça existait, 13e rue à l'époque. Ouais, la chaîne de télé, ouais. Ouais. T'es spécialisé dans le thriller, le policier, le fantastique. Ouais, et c'était rarement reluisant. On se souvient d'eux pour la pub avec Gali l'Alligator, quoi. C'est pour ça qu'on se souvient d'eux, quoi, majoritairement. Non, mais elle est incroyable, cette pub, franchement. Oui. Voilà, mais mis à part ça. Ah, là, là. Non, mais voilà, un festival que je trouve pas extraordinaire, mais Isolation est reparti avec un prix, avec un beau prix. Le film sort en salle en France et en Irlande. Dans la majorité des autres pays, il sort que en DVD. Et c'est un peu rigolo parce qu'en interview, O'Brien précise que le DVD États-Unis est dégueulasse. Voilà. Ah, ok. Ouais. La réception presse française est bonne. L'ambiance du film est jugée souvent efficace. Certaines critiques soulignent une histoire convenue qui rappelle notamment Alien et The Thing sans atteindre leur niveau, mais sans démériter non plus. Et la dimension plus documentaire du film est évoquée régulièrement. Par contre, le public est beaucoup moins tendre, puisque le film n'a actuellement que 2 étoiles sur Allociné, ce qui, des 4 films que nous avons évoqués pour le moment, le place dernier. Sur Rotten Tomatoes, on retrouve le même schisme avec 70% de fraîcheur, mais un score d'audience de seulement 35%. Je prends en compte le score de fraîcheur, donc 70%, mais même en prenant en compte ça, ça le place à la dernière place de les films dont nous avons parlé pour le moment. Mm-hmm. Sur Letterboxd, par contre, il a 3,1 étoiles, ce qui le place à égalité avec Tarantula, un tout petit peu en dessous de l'incroyable Alligator et un tout petit peu au-dessus de Crawl. Ok. Billy O'Brien, suite à ce film, reçoit pas mal de propositions de studios américains, comme c'est souvent le cas, c'était particulièrement le cas à l'époque quand un réalisateur européen faisait un film de genre qui marchait un peu, mais il les refuse toutes parce qu'il les trouve toutes nulles. Voilà. Ok. Il fera juste, effectivement, un téléfilm pour Sci-Fi, mais il reviendra vite en Irlande. Ils présentent tous la même malformation. Anomalie de la structure osseuse. Le squelette est à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué des monstres. Aucun n'aurait pu survivre. Ah! Que vous avez fait. John a imaginé ce protocole de manipulation génétique dans le but de créer une race de génisses plus fertile, dont les organes se développeraient plus vite, pour qu'elle puisse en produire plus tôt. C'est pas un peu jeune pour se reproduire, ça? Il y a quelque chose qui a mal tourné. Ne me regarde pas comme ça, Don. T'as accepté, toi aussi. T'es dedans jusqu'au cou. Et maintenant? Tu laisses personne toucher au cadavre. Tu verrouilles tout et t'y mets plus les pieds. Et pareil pour la vache qui est dans l'étable. Empêche les autres animaux d'entrer dans cette zone. Il y a un risque de contamination. De quoi? C'est uniquement par sécurité. De contamination? Mais qu'est-ce que vous lui avez injecté? J'en ai aucune idée! C'est tout ce que j'ai à dire sur la production du film et son histoire. Nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Eh bah, chouette surprise que ce Isolation. Ça va être un avis rapide, hein, comme à chaque fois. L'ambiance fonctionne vraiment très bien. Moi, je trouve que l'ensemble du casting est plutôt bon, vraiment. Tu dis qu'il y a eu quelques conflits et que surtout Billy O'Brien reproche un peu le jeu de Marcel Lurès. Tu m'as dit que c'était lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être il est vrai, hein, le moins convaincant de tout le casting, mais franchement, je trouve qu'il fait quand même plutôt le taf. Il fait bien le scientifique un peu fou qui vrille totalement à la fin pour essayer d'empêcher la propagation de la connerie qu'il a faite. Mais ouais, le gros point fort du film, c'est son ambiance, quoi. Il y a vraiment une ambiance lourde, menaçante, très claustro. À partir du moment où la menace arrive, et la menace ne tarde pas à arriver, ce qui est plutôt assez réjouissant. Voilà pour un premier avis rapide. Ouais, bah je suis d'accord, c'est une chouette surprise, il y a un gros travail de l'ambiance, le film prend beaucoup son temps, il est finalement assez lent. Oui. Il y a des scènes qui s'étirent pendant un bon moment et ça marche bien, ça installe une véritable tension. Effectivement, la réalisation très avec beaucoup de mouvements de caméra, la caméra qui s'agite, avec la photographie assez crue, assez brute, ça amène un côté plus réaliste et plus terre à terre qui est très très chouette. Donc oui, c'est une bonne surprise. Et en fait, ça amène de manière relativement fluide les créatures franchement monstrueuses de la deuxième moitié. Mm. Et pareil, moi de mon côté, le cast me convient. Effectivement, bah, Marcel Lurs, c'est peut-être aussi le personnage le plus cliché, vu que c'est finalement celui qui rentre le plus dans le code du scientifique. Oui, totalement. Qui certes voulait bien faire, mais qui vrille complètement. Mais je trouve qu'il fait quand même relativement bien le taf, enfin même très correctement le taf. J'ai pas été choqué par sa performance. Oui, voilà, clairement pas. Mais oui, un petit peu en retrait, effectivement, la musique. Mais comme tu l'as dit avant, c'est surtout, je pense, un film qui a voulu mettre en avant le travail du son plus que véritablement le travail de la BO, quoi. Et ça se ressent. Oui, c'est ça. Et comme les deux se confondent, au final, c'est dur de parler vraiment juste de la musique sans parler aussi du son en général. C'est ça. Et ça travaille bien aussi le fait que ce soit quasiment un huis clos, même tout complètement. Il se passe entièrement sur la ferme et très vite, les personnages ne peuvent plus vraiment circuler. Oui. Ça, c'est le côté alien, vraiment. Oui. Très souvent, quand t'as des comparatifs avec d'autres films, tu sais, sur le dos des jaquettes ou dans les promotions de films, bon, c'est très souvent, au final, très éloigné. Là, non, je reconnais vraiment une vraie dimension, oui. Je sens vraiment une inspiration alien ou un peu The Thing aussi, ouais, mais plus alien quand même. Oui. Ouais, pareil, Alien m'a un peu plus marqué. C'est peut-être dans le décor, au final, vu que c'est pas un décor spatial et compagnie, qu'on va un peu plus penser à The Thing. Mais oui, j'ai beaucoup pensé à Alien aussi. Donc le film démarre assez brut, parce que dès le départ, Dan a une vache enceinte et son ami vétérinaire, Orla, vient l'examiner. Et dès le départ, elle se fait mordre ouais. par le fœtus. Ce que on lui dit que c'est rien de grave, que c'est juste que ça a dû coincer ses doigts contre l'os, mais très tôt elle se doute qu'il y a quelque chose de plus quand même. Oui, oui. Bon, par contre, là, vraiment dans ce film, les personnages qui se font mordre, qui se blessent, qui ne veulent pas aller se soigner, c'est quand même aberrant. Oui, mais en plus, elle veut maintenir peut-être le secret, et puis ça m'étonne pas plus que ça, tu vois. Moi je pense qu'il y a pas mal de gens du côté un peu paysan de ma famille maternelle. Tu les fais pas aller chez le médecin à moins qu'ils aient une jambe en moins, quoi. Ça... Moi, homme. Bah, il y a un peu ça, hein, en vrai. Ah, c'est tellement débile. Pardon. Puis je sais pas ce qu'il en est de la sécurité sociale en Irlande, mais si ça se trouve, ça coûte vite cher un médecin. Ah, je sais pas ce qu'il en est en Irlande de ça. Par contre, oui, là ça peut être un vrai sujet. Mais bon, voilà, elle se fait mordre par le fœtus, qui est quand même assez inquiétant, quand même, mine de rien. Bah, par un fœtus de vache, oui, plutôt, oui. Voilà. Bah, par n'importe quel fœtus, y a pas beaucoup d'animaux qui naissent avec des dents. Normalement, oui, on arrive après. Oh, je crois qu'il y en a quand même quelques-uns où elles viennent très vite, hein, les dents. Ouais, les dinosaures, peut-être. Je sais pas. Faudrait se renseigner, j'ai pas pris de renseignements. Les humains, non, mais les chats, non plus. Non, les humains, non, mais... Les chiens, non plus. Ouais. les humains, non, alors, sauf exception, il y a des enfants qui naissent avec des dents, mais pas beaucoup. Ouais. Ouais, il y en a deux, trois. C'est plus de l'ordre de l'exceptionnel, quoi. Oui. Bon, bref. Donc, voilà, elle repart sans donner, finalement, beaucoup d'informations, en étant très secrète. Et Dan sent, dès le départ, hein, qu'il y a quelque chose de pas très net, quand même, dans toute cette histoire. Oui. Ce qu'on voit dès le début, c'est que y a des squatteurs sur la propriété, enfin, non loin de la propriété, en tout cas. Ouais. Sur le terrain même. Deux personnes qui, on le comprend très vite, sont en fuite et qui logent dans une caravane. Et qui est vraiment à l'entrée de la ferme. Ouais, alors de ce que dit Billy O'Brien, en fait, c'est pas mal fréquent en Irlande, comme ça, des gens qui voyagent tout le temps et ils sont pas mal discriminés à cause de justement de ce mode de vie. Et donc c'est un peu de ça aussi qu'il voulait parler dans le film. Ouais. même si là, il n'y a que le mec du couple hein, qui vient de ces communautés-là, elle, elle est plus en fugue. On comprend vite, en fait, que c'est une sorte d'histoire à la Roméo et Juliette. Oui. Que leur famille prendrait très mal leur relation. Ouais, c'est dit dans une scène un peu plus loin. Ouais. Mais cette scène-là, déjà, sert à montrer ces deux personnages-là, mais sert aussi à montrer le fait que Dan, donc le propriétaire de la ferme, il leur demande de se barrer, mais c'est pas lui en fait qui le souhaite. On sent que lui il a plutôt un bon fond en fait, parce qu'il insiste pas plus que ça. Il leur dit bon bah il faut partir. Eux rechignent un peu et puis il leur dit bon vous avez jusqu'à demain quoi. On ouais, voit qu'en fait pour la forme. Voilà c'est ça. Et parce que on va le voir juste après, le scientifique lui veut qu'il dégage quoi. Mais c'est vraiment une scène que je trouve qui sert à montrer que le personnage a un bon fond et vraiment humain. Oui. Ouais, il a peut-être aussi des stéréotypes, hein. Il tombe aussi peut-être dans les stéréotypes au début, mais qu'effectivement, il se sent pas de les virer complètement, il voit qu'ils sont jeunes, ils sont visiblement un peu dans la merde. Ouais, voilà. Et effectivement, le scientifique, lui, par contre, insiste beaucoup pour que les expériences restent secrètes, sans entrer dans le détail de ce que sont ces expériences. Il refuse vraiment de dire quoi que ce soit à ce sujet. Et puis c'est la scène juste après, hein. Le scientifique qui débarque dans son gros 4x4. Est-ce que c'est un message ? Je ne sais pas. Et qui est visiblement très mauvais payeur, vu que Dan précise qu'il n'a pas été réglé depuis un moment. Oui, et puis il sous-entend même que sa pote vétérinaire non plus n'a peut-être pas été payée. Oui. Il fait un sous-entendu. Ce qui, ça, pour le coup, reviendra à l'idée que les expériences faites par les scientifiques sur des vaches, en fait, enfin sur les vaches ou des animaux, ils profitent aussi de fermiers qui sont dans des situations économiques difficiles. Mm. En leur donnant au lance-pierre un peu d'argent en échange des expériences, mais que si ça tourne mal, finalement, c'est les fermiers qui sont le plus désavantagés, parce que c'est leur bétail, c'est le bétail qui souffre en premier, évidemment. Et voilà, mais après, c'est les fermiers qui prennent avant les scientifiques, parce que c'est leur bétail, leur gagne-pain, qui se retrouve menacé. Oui, c'est ça, tout à fait. La nuit, Dan est réveillé par les beuglements de la vache qui est en train de mettre bas, et visiblement, ça se passe mal, c'est difficile. Là, on peut supposer des souvenirs d'enfance de Billy O'Brien qui apparemment se faisait régulièrement réveiller par son père justement à cause d'une mise à bas difficile. Ouais. Et du coup, il va aller chercher Jamie pour l'aider. Donc Jamie, celui qui vit dans la caravane. Ouais, c'est ça, le mec du couple de la caravane. Et là, c'est bien efficace parce qu'il est couvert de sang. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal, qu'ils sont totalement isolés parce qu'il pleut, il fait très moche. Enfin, on sent que la situation est un peu cauchemardesque et il n'arrive pas du tout à avoir la vétérinaire pour la faire venir. Oui. Du coup, il va falloir se démerder tout seul. Voilà. Et du coup, utiliser, comme tu l'as dit en début d'émission, cette espèce d'appareil, mais de torture, quoi. Mais tu te dis, mais comment tu peux sortir un veau sans lui arracher les pattes avec ça, quoi. Ça... Ah, ouais. Ça fait froid dans le dos comme appareil. Hein. Ah, pour décrire, c'est une sorte de treuil, en fait. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ça. Qu'on attache aux pattes du veau quand elles sont sorties. Et avec un système de poulies, on tire en forçant jusqu'à ce que ça finisse par passer. Quoi. C'est ça l'idée, globalement. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Et c'est effectivement, on sent déjà que c'est un engin qui fait souffrir à la fois le veau et à la fois la vache qui est en train de mettre bas, parce que ça doit tirer énormément sur elle aussi. Ah oui, ça doit faire mal. Et la scène est bien longue, enfin il y a tout un travail sur les cordes du système de poulies, ouais. Sur Jamie et Dan qui sont en train de forcer dessus, de galérer. Les gros plans sur les pattes du veau qui sont tirés, mais... Et sur cet appareil, quoi. Vraiment, tout cet aspect du film a un côté documentaire, mais qui fonctionne vraiment superbement bien, quoi. Ouais. À un moment, il y a une corde qui casse aussi, ouais. Qui finit par sceller tant la pression est forte. Et surtout, là, on ne l'a pas mentionné, le travail du son sur toute cette séquence, quoi. Oui. Le bruit des cordes, ouais. De la corde qui claque, les beuglements de la vache, même eux là qui poussent des râles, parce que forcément ils mettent toute leur force pour le sortir, quoi, le petit veau. Ouais, y a un travail du son sur toute cette séquence là, voilà, incroyable. Avec des sons d'ambiance un peu plus étranges aussi, très en fond, enfin oui, le travail est extrêmement bien et la scène est longue, hein, elle dure vraiment un bon moment cette scène. Oui, oui. Et puis une fois le veau sorti, t'as aussi tous ces gestes de fermier slash vétérinaire pour essayer de dynamiser le veau. Parce que le veau vient au monde, mais il a du mal à son cœur ne bat pas, donc il a du mal à respirer sans doute. Et donc tu le vois qu'il l'a fait tournoyer autour de sa tête. Et tout ça, tu sens le vécu, quoi, quand tu vois des scènes comme ça. Oui, et ce qui est très impressionnant quand on le voit, quand on le voit et qu'on n'est pas habitué à ce monde-là. Oui, voilà. Ah oui, bah moi j'ai vu ça, je dis bah qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Mais après, bon, voilà. Moi, toi tu le sais, les spectateurs, peut-être pas ou pas tous, en tout cas, étant papa depuis peu, tu vois des gestes qui sont faits. Donc nous, en tant qu'être humain, par les sages-femmes, avec ton enfant qui vient de naître, et tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'elle fait ? Lâche mon enfant, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, quand ma fille est venue au monde, bah forcément, déjà, elle a pas respiré tout de suite, il y a eu quelques petites secondes. Donc déjà, ça, c'est les petites secondes où toi, tu te fais dessus, littéralement. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Pourquoi elle pleure pas ? Et tu vois la sage-femme qui se met à la frictionner, mais tu sais, de manière... En fait, ça te paraît brutal, mais tu sais très bien que c'est des gestes qui sont répétés, qui sont totalement maîtrisés, et que, bien entendu, l'enfant, ça ne lui fait pas du tout mal. Mais en tant que parent, t'es pas rassuré quand tu vois ça. Oui, bah, surtout que c'est dans un moment où on est, je pense, pas en état super détendu de base. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, bah, l'enfant vient de naître, que t'as déjà ton instinct maternel, enfin paternel pour le coup, qui est déjà là, quoi. T'as ton instinct parental, du coup, qui est là tout de suite, quoi, qui est sur le qui-vive. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, ok, bah c'est pareil pour les animaux, finalement. Oui. Mais oui, c'est très impressionnant. Bah, sachant qu'en plus, dans les animaux, il y a probablement le fait qu'il y a beaucoup moins, quand même, il y a beaucoup moins de soins apportés au fait qu'ils ne souffrent pas. Il y a pas mal de gestes qui sont certainement assez brutaux, en réalité, qui sont faits de manière purement efficace, en songeant à ce que l'animal vive, mais pas... particulièrement à son bien-être, je pense. Ouais, et encore, même ça, je pense que ça a quand même pas mal évolué avec le temps. Maintenant, le bien-être animal est quand même beaucoup plus respecté qu'il y a des années. Je sais pas jusqu'à quel point, étant donné que l'élevage industriel s'est vachement développé et que c'est plutôt pire dans les trucs d'élevage industriel. Donc, je pense qu'il y a plutôt moyen que ça soit allé dans l'autre sens, hein, en réalité, ça. Ouais, quand on parle vraiment d'industriel, mais là, on voit typiquement le personnage, c'est pas un éleveur... industriel, tu vois, il a quand même une petite ferme. Sur les petites fermes, il y a peut-être moyen que ce soit mieux, mais je pense que c'est pas mal du cas par cas, là aussi. Hein. Oui, bah ça clairement. Mais donc oui, la scène est vraiment très impressionnante, et comme tu l'as dit, elle dure. Elle dure, mais... elle dure sans que ça soit négatif, en fait. Oui, c'est ça. C'est de la tension bien gérée. Mm. Et bah, le veau, dès qu'il naît, dès qu'il commence à respirer... va mordre Dan et va le mordre bien fort, ce qui est surprenant parce que là vraiment c'est pas censé avoir des dents comme ça, un veau. Hein. Ah oui. Est-ce que ça lui broie la main ? Il a un doigt totalement tordu. Ouais, on le voit un peu après quand il se la désinfecte. Ouais. Alors au désinfectant en plus, il y va au truc dont on se sert pour les chiottes, hein, je pense normalement. Oui, parce que c'est versé à l'arrache dans un seau, il plonge la main dedans. Ouais. C'est limite tu t'attends à entendre un petit. Façon dessin animé, quoi, mais. Mais du coup, ouais, il a la main très très abîmée. Il précise en remerciement à Jamie et Marie qu'ils peuvent rester. Oui, bah ouais. Pour le coup, c'est la moindre des choses quand même. Oui. Ah, puis maintenant, vous vous barrez, hein. Bah, comment ça? Et donc, ça enchaîne sur une autre assez longue scène parce que la vétérinaire Orla finit par arriver, mais quand elle voit ce qui s'est passé, elle dit bon, bah, c'est. L'expérience a foiré, ça a dégénéré, il faut abattre le veau. Ouais. Et le truc, c'est que l'abattage va très mal se passer parce que, bah, alors, elle utilise un pistolet, en gros, c'est un pistolet à air comprimé, hein, grosso modo, qui envoie une pointe, normalement, dans la cervelle de la vache. Oui, ça, c'est des trucs qui sont encore utilisés aujourd'hui, ça. Ouais. Si vous avez vu Okja de Bong Joon-ho, voilà, vous savez de quoi on parle. Ouais, alors et en autre référence, c'est aussi le même système utilisé dans No Country for All Men, tu sais, oui. L'arme avec laquelle se promène Javier Bardem. Oui, exact. Donc oui, ça envoie un tube pour te fracasser le crâne, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Alors, sauf que s'il prend mal, le veau bouge au dernier moment. Bah, c'est surtout que le tube se bloque, je crois, aussi. Bah, elle le touche, le veau, hein, c'est juste que... Oui. Bon. Mais oui, il bouge. J'ai surtout eu l'impression, en voyant la scène, que... elle le touche, mais vu qu'il bouge, bah elle le touche, mais pas de manière mortelle, et qu'après, oui, effectivement, le tube se coince, par contre. Il se trouve que ça fait s'agiter de plus en plus la vache qui est abattue, elle aussi. Oui, et parce qu'elle sent qu'il y a un truc qui se passe là. C'est l'instinct animal, pour le coup, purement et simplement. Oui, bah, et puis en plus, vu comment s'est développé le veau à l'intérieur d'elle, à mon avis, elle était déjà agitée. Oui. Elle a déjà souffert pendant tout l'accouchement, hein, on rappelle. Donc oui, il y a un côté très apocalyptique, très bouché à toute cette scène-là, où finalement le veau finit par mourir de ses blessures, mais après avoir longtemps souffert. Donc encore une fois, c'est une scène qui prend bien son temps, à un moment où on croyait qu'on aurait un peu la paix après l'accouchement difficile. Ouais. Donc c'est très bien géré. Et tout le long de la scène aussi, on sent que la véto, elle est pas bien. Oui. Oui, elle se rend compte qu'elle a participé à quelque chose de vraiment merdique. Il y a ça, mais aussi on sent qu'elle est malade. On sent que... Ah oui, oui elle, aussi. Oui. Elle couvre quelque chose, que peut-être que quelque chose est en train de se produire en elle. Et que du ouais, coup... Elle va devoir prendre un petit doliprane. La morsure n'est peut-être pas qu'une simple morsure. Ta-ta-ta. Après, bon, effectivement, elle n'a pas été maligne. Moi, je me fais mordre par un fœtus de vache. Je mets un peu de désinfectant, quand même. Bah, au moins un peu de mercurochrome, quoi, le pansement des héros, parce que... Il faut ça. Bon, par contre, Dan, il la voit totalement malade après tout ça. Bon, lui, il pose pas plus de questions. En même temps, lui, il se rend compte qu'on vient d'abattre une de ses vaches. Il lui en veut un peu à ce moment-là, hein, je pense. Oui. Et surtout, il va y avoir l'autopsie qui vient après, qui va rajouter une dimension choquante qui leur fait peut-être penser à autre chose. Ouais, comment ça se passe, l'autopsie ? Bah, ils découvrent un truc bizarre, c'est que quand ils ouvrent le petit veau, c'est quoi le terme des nouveau-nés Bah, je crois qu'on dit veau, j'ai employé génisse tout à l'heure, mais par erreur, c'est un peu plus vieux, génisse, normalement. Génisse, c'est quand c'est un peu plus âgé qu'un veau, mais que c'est pour les femelles et qu'elles n'ont pas encore, mis bas, pour le coup. Ah parce que je crois que c'est le terme qu'ils utilisent dans le film, la génisse. Alors, c'est la première fois que j'entendais ce terme. Hein. C'est le terme utilisé dans les sous-titres, mais j'ai l'impression que c'est une manière un peu abusive. Après, bon, je suis pas assez spécialiste. Mais ouais, c'était la première fois que j'entendais ce terme, donc je me suis dit, bon, on va leur faire confiance. Mais du coup, qu'est-ce qu'il découvre ? C'est que le petit veau là qui vient juste de naître, eh ben, il est plein. C'est-à-dire, il attend lui-même une portée. Ouais. Ce qui est censé pas être possible, hein, les poupées russes. oui, ça, normalement ça marche pas. Effectivement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, pas un peu. Parce que normalement, on l'a dit, une vache, c'est en général un veau par portée, quoi. Pas 10 000. Ouais. Alors que là, elle est pleine, il y a 6 poches, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est assez étrange, et le plus étrange, c'est qu'en ouvrant les poches, bah, elle se constate que les 6 petits fœtus, ils sont totalement déformés. En fait, le corps, c'est... Enfin, les fœtus se sont montés à l'envers. C'est-à-dire, le squelette est sur le corps, simplement. Alors que normalement, le squelette sert d'armature, bah, là, c'est le contraire. C'est ça quand vous essayez de monter vos meubles Ikea sans suivre de notice. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la première... Alors déjà, c'est le moment où le film devient véritablement dégueulasse. C'est tellement bien fait et vraiment gore. Et puis, les gros plans, les créatures sont très très bien faites. Même s'il y avait déjà un côté très viscéral à l'accouchement, et on l'a pas précisé, mais les animatroniques se sont super bien faits. Hein, oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai appris, après avoir vu le film, parce que j'ai d'abord regardé le film et après, je me suis renseigné dessus. Et du coup, quand j'ai compris qu'en fait, c'était de l'animatronics, les vaches, quand on les voyait en gros plan, je me suis dit, bah putain, elles sont vraiment bien faites, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment cru pendant tout le film que non, c'était des vraies vaches qui étaient là sur le tournage. Ouais, ils se sont très très bien débrouillés. Et là, pareil, effectivement, les fœtus difformes marchent très bien. On entre dans une dimension, en effet, beaucoup plus horrifique, tout à coup. Oui. Mais il y a eu toute une progression qui fait qu'on y arrive de manière plutôt fluide. Là, visuellement, les fœtus comme ça déformés, là, par contre, c'est la référence directe à The Thing. Mm. Ça fait vraiment l'évolution de la chose quand elle passe de corps en corps et que ça ne ressemble à rien, que c'est un globi-boulga de cellules et de sang, voilà. Donc il y en a un d'ailleurs qui va bouger une fois oui. que que Dan et Orla se sont éloignés, et Orla explique un tout petit peu en quoi consistaient les expériences, en disant que c'était des expériences sur la pour rendre les vaches plus fertiles. Bon, alors ça, pas tout... franc succès à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Les vaches sont très très fertiles. Ah oui. Ah oui, parce que elles t'en font une, et puis celle qui sort, elle en a déjà 6 à l'intérieur, donc effectivement... Ouais, c'est ça, c'est... Faudrait faire des stats, hein, mais à mon avis, t'as moyen d'avoir beaucoup, beaucoup de vaches très, très vite avec cette histoire. Ah ça, t'as un nombre de steaks incroyable à la fin du mois. Peut-être moins efficace pour générer du lait, par contre. Oui, ça, le lait, ça va être un peu plus compliqué, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Orla dit qu'il faut garder l'isolation en cas de risque d'infection pour pas que ça se diffuse, dans la mesure où elle voit que Dan s'est fait mordre. Par contre, elle ne parle toujours, elle ne reparle pas de sa morsure. Mais non, pas du tout. Mais du coup, voilà. Là, ouais, je le notais, l'ambiance fonctionne très bien dans tout ce moment-là. En plus, la lumière au néon, très blanc, très blafarde, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose pour le coup. Oui, alors que c'est très simple, finalement. C'est un éclairage, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais... Oui. C'est tellement bien mis en valeur et puis surtout bien aidé aussi par la réalisation que, effectivement, ça rend très très bien. Et puis l'ambiance qui se dégage de la scène. Ouais. Avec, encore une fois, vous vous en doutez, hein, un travail sur le son, parce que quand elle ouvre les fœtus, bon bah, il n'y a pas que l'image qui est dégueulasse, quoi. Oui. Ouais, ouais, encore une fois, un bon travail sonore. La nuit, tout le reste de la nuit, il pleut beaucoup, ce qui explique que par la suite, la ferme va être en partie inondée, notamment dans les zones censées servir pour recueillir le purin des vaches quand elles sont à l'intérieur et compagnie. Il y aura tout un travail sur le fait que la ferme est inondée. Ouais. Pareil dans la fosse à purin, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a pris tant de profondeur. La plaie est propre, mais on sait jamais. Je vais remettre de l'alcool au cas où. Ça risque de piquer un coup. Vous devriez aller à l'hôpital. Non, non, pas le temps. Il faut que j'attende la véto. Elle me déposera en partant. Vous êtes né ici ? Oui. J'ai hérité de la ferme à la mort de mon père. Et tes parents, ils vivent en province ? Non, ils sont en ville. Chez moi, on est 6. Je suis la deuxième, j'ai 5 frères et sœurs. Soudés. On est très proches. Et comment ça se passe avec ton copain ? Ils l'ont accepté ? Et ses parents à lui, tu les connais ? Ou alors... vous faites une petite escapade romantique histoire de prendre l'air de la campagne ? Si mes frères nous retrouvent, ils le tuent. Et le lendemain matin, Mary s'occupe de la main de Dan pendant que Jamie s'occupe de nourrir les vaches. Et il va se faire mordre à son tour par quelque chose qui se trouve dans l'eau. Oui, parce que justement, il va nourrir une vache qui est isolée. Alors ouais. Déjà, en s'approchant d'elle, il constate qu'elle est blessée. Elle a des espèces de griffures tout le long des pattes. Il leur monte le long des pattes. Et c'est à ce moment-là, en repartant, qu'il se fait attaquer. Parce qu'il perçoit une espèce de mouvement dans l'eau, et il se barre, et là, il se fait attaquer au niveau du pied. Il y a un policier qui passe, alors qui est très méfiant envers la présence de Mary, il va pas voir Jamie, mais qui surtout dit que la voiture d'Orla a été retrouvée 2 kilomètres plus loin, sans ouais. personne à l'intérieur. Et juste après, Dan se rend compte qu'Orla est revenue à un moment pendant la nuit. Oui, parce qu'il retrouve un vêtement... De ouais. mémoire, il retrouve un de ses vêtements. C'est ça. Il brûle le cadavre de l'animal potentiellement infectieux. Ouais, sous le conseil de Marie. Et il dit quand même, c'est chelou ta vache là. Ouais. Ouais. On va en faire un barbecue. Il commence à avoir conscience qu'il y a un risque, ouais. C'est bizarre. Et après, on passe à la nuit suivante et on se rend compte que bah, les deux qui sont là, qui se sont fait attaquer, Dan et Jamie, commencent à se sentir de plus en plus mal. Alors surtout Dan, parce qu'il s'est fait mordre plus fort et plus tôt. Mais Jamie commence à pas aller bien non plus. Oui. John revient, il fait des tests sur les embryons. Il se rend compte que le développement cellulaire est ultra rapide. Après, c'était le but de ses expériences, mais oui, effectivement. Oui, mais pas à ce point-là, je pense. Voilà, enfin, il se dit, tiens, c'est bizarre quand même. Et c'est après que t'as la créature qui s'est échappée, qui vient squatter le lit de nos amis dans leur caravane. Oui, voilà, bah c'est comme un chat, il veut être un peu au chaud, c'est gentil, voilà. C'est affectueux. Elle a sommeil, quoi, c'est tout. Voilà. C'est à dormir, hein, cette pauvre bête. Bon, du coup, panique, hein, affolement, tu peux se comprendre. Mais la créature a disparu quand Dan et John arrivent. Alors, ça, ils y croient quand même, hein, parce qu'il y a des traces partout, et de toute façon, ils savent qu'elle est là, mais elle est quelque part dans la ferme, et on sait pas où, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ils la recherchent. Ouais. Et il faut mettre la ferme en quarantaine et la trouver très vite, parce que sinon, tel que l'explique John, bah, ça va... c'est tellement exponentiel que ça va être très vite des millions de fœtus monstrueux qui risquent de naître et de semer la panique. Voilà. Leur fouille les mène à la fosse à Purin. Ouais. Dan, alors vraiment, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la con ? Et, et le déroulé a confirmé que c'était une idée à la con, et il décide d'aller... Alors, le fin fond de l'idée est logique. C'est-à-dire, il veut faire peur à la créature et donc la faire sortir de la fosse. C'est le déroulé après qui me turlupine. C'est-à-dire, tu vas dans une fosse à Purin, donc remplie de liquide avec un appareil... mécanique, bon. Alors après, il s'attendait peut-être pas à ce qu'elle soit aussi profonde via les puits. Ouais, je sais pas. Hein. Et puis je sais pas comment... je pense qu'un tracteur, c'est quand même très très très bien isolé, hein, pour ses effets, pour aller dans des zones... Ouais, mais là quand même, oui. Il rentre à plus de la moitié dedans, quoi. C'est... Ah bah oui, oui, là il est bien bien enfoncé, ouais. Donc voilà, il se retrouve coincé au milieu de la fosse à Purin. La question c'est comment tu fais en fait, sinon tu loues un bateau pour aller dans ta fosse à Purin. Bah, je sais pas, tu fous le feu. Du Purin et du méthane, tu fous le feu, et puis comme ça la bestiole elle sort, elle racrame. Alors à mon avis, t'as intérêt à t'éloigner vite, hein, sinon... Je pense que ça crée ces trucs quand tu mets le feu à une fosse à Purin. Écoute, je ne suis ni fermier, ni scientifique, je n'ai pas fait d'expérience sur des vaches, donc je ne sais pas. Mais je n'aurais pas fait ça. Le Purin, c'est utile. Le Purin, c'est utile. Après, tu t'en sers pour fertiliser. Qui c'est qui va te racheter 3 tonnes de caca si tu mets le feu à ta fosse à Purin, hein. C'est vrai ça. Le caca, c'est délicieux. Comme disait Eric Ramsey il y a des années. Oui, ouais, ouais. Voilà. Mais donc, bah, du coup, il est coincé dans son tracteur, là. Il est coincé au milieu du Purin. Ouais. Donc, bah... Et donc, il doit revenir à pied. Il doit revenir à pied, enfin, à la nage, limite. Parce qu'il en, oui, a, jusqu'au... Quasi, ouais. Il en a jusqu'aux épaules, quoi. Donc... Et là, c'est la chute. Parce qu'il trébuche sur quelque chose. Et je vais te laisser révéler sur quoi il a trébuché. Bah, il trébuche sur le cadavre d'Orla. Voilà. Qui était donc là. Qui dormait là. Orla. Ouais. Voilà. Aucun rapport avec Maupassant. Hein, non, passage. Non plus. Effectivement. Par contre, vous pouvez lire le Orla, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est chouette, c'est très chouette. Voilà. Et donc, il la ramène... là, c'est pareil, le moment où il la trouve, il y a un côté très cauchemardesque. Enfin, ça marche bien, encore une fois, avec l'éclairage et tout, c'est un moment qui marche très bien. Et parce que, bah, il la trouve, vous vous doutez qu'elle est morte, hein. Fatalement. Oui. Donc, au début, il n'y a que le visage qui submerge de la fosse. Voilà, c'est effectivement très cauchemardesque comme image. Ça fonctionne très très bien. Oui. Et c'est vrai que l'humain n'a pas un système respiratoire adapté pour respirer dans la merde. C'est un truc qui nous manque. Bah, enfin, respirer dans la merde. Respirer dans du liquide, tout simplement. Pas forcément dans la merde. Oui, bon, il faudrait les deux. Oui, voilà. Les deux. Voilà, on sait jamais pour s'adapter à toutes les situations. Ouais, bah, après, ça serait quand même la loose si on pouvait respirer dans la merde, mais pas dans l'eau, quoi. Quand même, ça serait dommage. Tu sais, des fois, l'évolution, ça fait des trucs bizarres. C'est vrai. L'autopsie d'Orla dévoile qu'elle a un trou dans le ventre, que ses intestins ont été dévorés et que la créature qui l'a tuée est ressortie par l'autre côté. Voilà. Et que donc, bah, encore une fois, il faut partir à sa recherche et la trouver. Idéalement, en fait, la trouver au moment où elle est dans un hôte, que c'est le moment où elle est la plus simple à identifier et à abattre. Oui, quand elle est en train de se répétre gouleusement de quelqu'un. Oui, et de déposer ses œufs aussi, enfin ses œufs, ses embryons. Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'on nous explique que la bestiole agit comme un parasite. Elle profite de la chaleur d'un corps pour rentrer dedans et déposer effectivement des embryons. J'aime bien un truc dans cette scène d'autopsie d'Orla, c'est que John commence à raconter une anecdote sur les cadavres en mer du Nord, mais il la termine pas tellement ce qu'il veut monstrueux. Et tu sais, c'est un code un peu récurrent des scènes d'autopsie, le gars qui raconte une anecdote un peu philosophique pendant qu'il travaille, et j'aime bien que ce soit détourné avec son histoire qui est jamais terminée. Oui, oui, c'est rigolo. Parce que tellement ce qu'il voit est horrible, bah finalement, l'histoire que tu nous racontes, bon... Mais du coup, on n'en saura pas plus sur les cadavres en mer du Nord. Bah non, et ça c'est triste, pardon. Ouais. Mais par contre, à ce moment-là du film, tu sais moi ce que je me suis dit ? Je me suis dit, alors c'est bien ce que je suis en train de voir, mais c'est pas vraiment de l'attaque animale. Oui, bah oui, je me le suis dit aussi. Hein. Comme on l'a dit, il est très à la frontière quand même du genre. Hein, là. Heureusement qu'il est bien, on en traite, mais voilà, il est vraiment à la frontière. Hein. Parce que là, bon, bah... Voilà, ça reviendra sur la fin un peu plus en attaque animale. Oui, oui, mais là, oui, pour l'instant... Pour l'instant, là, c'est une histoire d'infection. Mm. Mais c'est très bien. Alors, encore une fois, là, je voulais revenir sur la scène d'autopsie. En fait, c'est comme tout le reste du film. C'est une scène qui a un côté ultra réaliste, ultra documenté. Et c'est ce qui fonctionne dans son horreur, en fait. Oui. Et surtout, c'est comme toutes les séquences avant, horrifiques, c'est très simple. Il n'y a pas d'infos qui sont surchargées, la mise en scène est posée aussi, l'éclairage pareil. Voilà, c'est pas outrancier, quoi. Oui, ça fait dans une certaine sobriété. Et encore une fois, comme on a dit que la musique était très en retrait et le travail sonore finalement assez discret, il n'y a pas non plus de gros effets à base de musique, voilà. Pétaradante, etc. Donc là, après l'autopsie, bah... Notre pote propriétaire de caravane, lui, il veut se barrer. Oui. Il panique. Ce qui peut se comprendre. Voilà. Bah, sauf que notre ami scientifique, lui, il a un tout autre avis. Oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a un risque de... Enfin, que les humains peuvent être contaminés et que donc il y a un risque de transmettre à des enfants, etc. C'est ça, il y a un risque de propagation. Donc là, tout le monde va rester sur place. C'est ouais. Ça. Bah, du coup, il va tester le pistolet air comprimé sur notre ami à caravane. Ouais, et il marche bien. Ah, il fonctionne bien. Il fonctionne. C'est de la bonne ouvrage. Ouais. Donc, Jamie, c'est fini pour lui. Voilà. Là, c'est vraiment la merde. Mes propres cellules. Il est capable de corrompre des cellules humaines. Il suffit qu'une bactérie se propage dans notre organisme, à la suite d'une morsure, par exemple. Il faut absolument détruire cet embryon, avant qu'on ne soit tous contaminés. Les gens ne sauraient même pas qu'ils sont malades. Mais leur descendance, ils ne donneraient naissance qu'à des monstres, des mutants, des créatures difformes ou présentant toutes sortes de pathologies. Un seul homme contaminé, et ce sera la fin de l'humanité. Il t'a mordu ? Fais-moi voir ton pied. Non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je veux pas que vous me touchiez. Allez, Jimmy. Je vais chercher Marie. On s'en va. T'es trop énervé. Je peux pas te laisser partir. Fais-moi voir ton pied. Non. Vous approchez pas de moi. Je ne te veux pas de mal. Je me casse avec Marie, je me fous de vos histoires. Marie ! Les autres personnages découvrent une autre vache qui a été tuée par le parasite. Ouais. Et John abat la dernière vache qui était enceinte, sauf qu'elle a déjà mis bas. Donc que le parasite, a priori, est déjà dans un nouveau veau, en fait, dans un nouvel hôte. Donc tout ça marche bien. Et il y a vraiment cette idée que bah, John, il est parti pour abattre tout le monde. Il s'en fout, lui il veut vraiment isoler, tandis que Dan, bah, lui il voit sa ferme en train de disparaître en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc l'opposition entre les deux marche. C'est ça, parce qu'il y a vraiment une scène de confrontation et on repasse sur la critique de l'expérimentation animale, quoi. Ouais. Sur des exploitations fermières, bien entendu. Oui. Même si on peut peut-être faire une critique plus large, je ne sais pas jusqu'à quel point Billy O'Brien critique l'expérimentation animale en général. Il y a un dialogue qui me perturbe, c'est qu'il dit « Vous avez pris mon troupeau pour des rats de laboratoire ». Donc c'est un dialogue qui sous-entend qu'il met quand même les rats de laboratoire et le troupeau sur pas sur un même pied d'égalité, ce qui me... Oui, effectivement. Moi, ce qui me perturbe un peu, quoi. Parce que, justement, j'aurais tendance à mettre tous les animaux sur un même pied d'égalité. Mais bon. Bah, je pense que ça, c'est du fait qu'on est en 2005 et que le film, pour le coup, est pas, a pas vraiment une dimension qui irait vers le véganisme ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas du tout cette dimension-là. Il critique la maltraitance animale, mais pas l'élevage en lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Ni, effectivement, je pense, une certaine dimension d'expérimentation qui se ferait dans des conditions de laboratoire. Oui, parce que en fait, c'est tellement touchy comme, comme sujet, parce que bien entendu que les expérimentations sur des rats, notamment, ont fait avancer la science et l'ont fait avancer en bien. Le problème, c'est comment c'est fait, quoi. C'est surtout ça, la vraie problématique. Oui. Bah, et puis, je crois qu'il y a moyen de réfléchir à d'autres optiques, enfin, qu'il y a plein de réflexions de scientifiques et de penseurs du bien-être animal sur d'autres manières de faire sans utiliser les animaux, justement, qui sont pas trop écoutés. Fait qu'il n'y a pas une volonté d'avancer sur ces sujets-là. Donc oui, il y a un vrai sujet autour de ça que le film n'approche pas vraiment. Au non, voilà, c'est ça. Et, mais c'est vraiment par ce dialogue-là où je me suis dit, ah, bon, bah... Oui, bah, et puis le réalisateur, dans une interview de Gérard Mé que j'ai lu, il dit du bien de tous les plats à base de viande qu'il a mangé, dont le foie gras, alors que je trouve ça dégueulasse. Mais du coup, il n'est pas non plus dans une optique autour de ça. Hein, on va oui, pas voilà. Se bon, moi, j'aime bien le foie gras, hein, désolé, mais bon... Je te rejoins pas sur ce combat-là. Bah, je te rejoins sur le combat que c'est fait de manière tellement ignoble que oui, effectivement, je trouve ça bon, mais ça me fait chier, quoi. Ouais. Alors, du coup, la poursuite du monstre continue, du parasite continue. Ouais. John va être attaqué par le parasite, justement, alors qu'il était en train de menacer Mary et qu'il allait la tuer. Donc, John se fait tuer à ce moment-là. Et ensuite, a priori, le veau qui venait d'être accouché, donc qu'il faut retrouver, parce que sinon lui-même va créer de nouveaux embryons, etc., il est sous le sol de l'étable, dans la zone qui, normalement, est réservée justement aux déjections, etc., quand les vaches ne peuvent pas sortir en extérieur. Oui, c'est une espèce d'évacuation en sous-sol, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est Mary qui y va parce que Dan commence à vraiment se sentir beaucoup trop mal à cause de la morsure. Ouais, c'est compliqué d'y accéder, donc c'est Mary qui se propose d'y aller. Avec des décors qui du coup m'ont rappelé un peu Crawl, vu qu'on retrouve des décors bas, à moitié inondés. Oui, oui, effectivement, oui. Mais oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Et puis bah, bien entendu, ça rappelle les canalisations de films comme Alien, ce genre de choses. Oui, aussi. Les décors étroits, ça marche toujours bien, hein, si c'est bien filmé. Ah bah, et d'autant plus dans des films de créatures comme ça qui rôdent et où tu sais pas où elles se trouvent, quoi. Ouais. Là, dans son exploration, Mary, elle tombe sur un veau qui est en train de, malheureusement, de se faire dévorer par les bestioles. Ou alors, c'est les bestioles qui en sortent, on ne sait pas trop. Oui, bah, c'est un peu les deux à la fois, j'ai l'impression. Du coup, elle abat le petit veau et puis bah... Elle se défoule littéralement sur les parasites qui en sont sortis en les écrasant avec le flingue, quoi. Bah là, on sent tout le côté écœurant, tout le côté horrible de ce qu'elle voit et dont elle se dit que c'est pas que c'est contre nature, qu'il faut le détruire, quoi. C'est, ouais. ça marche bien dans le fait que c'est toute l'horreur qu'elle a accumulée qui est en train de se déchaîner à ce moment-là. Tout à fait, oui. Et ça reviendra un peu plus tard, d'ailleurs. Ouais. Mais il reste encore le parasite en lui-même qui va commencer à poursuivre Mary à travers cette espèce de sous-sol de niveau inférieur. Il a bien grandi. Ouais. Oui, oui, il a bien poussé. Il y a une scène, la scène où elle se rend compte qu'il est à côté d'elle. Elle tourne légèrement la tête. Et là, on le voit de face. Et en fait, bah, du coup, vu que la déformation fait qu'il est monté à l'envers, tu ne vois qu'un crâne, mais... totalement squelettique et c'est tellement terrifiant. Ouais, le plan marche super bien dans l'ombre comme ça. Ouais. Et c'est alors que c'est juste un plan fixe à la con, hein, avec un éclairage sur le dessus, mais ça rend tellement bien. C'est tellement flippant quoi comme passage. Pareil, j'aime bien le plan où elle appelle Dan à l'aide et où on la voit entre les lattes. Oui, on voit que ses yeux. Sol. Ouais. C'est exactement ce vers quoi j'allais aller. ce plan-là aussi est tellement réussi. Dan va avoir une idée similaire à celle qu'il tentait avec le tracteur, à savoir d'allumer une machine qui fait des vibrations et du bruit pour détourner l'attention de la créature. Ouais. Et là, pareil, la taille de la machine qu'il allume, ça crée un côté monstrueux. Bah, là, ça m'a rappelé un peu la créature du cimetière, tu sais, l'espèce d'énorme presse textile qu'il y a. Il y a ce côté vraiment machine monstrueuse qui est terrifiante rien que par son existence et par le fait qu'on sent qu'elle est vieille et qu'elle fonctionne plus forcément totalement bien, quoi. Oui, c'est ça. Et puis lui, pendant qu'il essaye de la redémarrer et qu'elle galère, bah, t'as Marie dans le tuyau. Et là, t'as un POV de la créature qui la suit, mais en rampant, avec un bruitage incroyable. Et t'entends la. Et c'est pas que t'entends, c'est, t'as aussi des gros plans sur la gueule du monstre qui essaye de la choper comme ça. C'est vraiment flippant. Hein. Toute la séquence là est bien menée. Le décor rend super bien. L'actrice est au top. Vraiment. Là, à ce moment-là du film, à ce moment-là du film, tu te dis, mais putain, mais. Mais pourquoi un mec comme ça a galéré à faire d'autres films et pourquoi il en a fait si peu, quoi ? Ouais, je suis assez d'accord. T'as ce côté frustration des mecs qui font un premier film plein de talent et que tu vois que bah derrière ça suit pas parce que bah, je sais pas, parce que le public a pas trouvé son compte ou parce que les producteurs ont pas trouvé leur compte et donc bah voilà, les étoiles ne se sont pas alignées comme il faut et fin de carrière. Ouais, c'est toujours frustrant, ouais. Toujours est-il que Marie arrive à ressortir du sous-sol. Oui. La bête attaque, attaque Dan, qui dit à Mary de fuir, mais elle va refuser. Et là, encore une fois, il y a une mise à mort qui est très violente, parce qu'elle parvient finalement, à, alors que la créature fuit par, au-dessus d'elle, elle parvient à l'embrocher avec une tige de métal. Mm. Et à la broyer dans des rouages, et puis, elle, et puis ensuite elle s'acharne sur le corps. Enfin, encore une fois, il y a un côté très violent, très défouloir d'elle qui décharge toute, toute la colère, toute la terreur accumulée. Et je trouve que ça marche très très bien. Ah, c'est très catharsis comme passage. Ouais. C'est, et puis surtout, c'est très logique. Elle a vu, alors déjà, elle a vu l'amour de sa vie mourir. Fatalement. Oui, elle oui, l'a pas vu mourir, elle sait que Dan est mort, que Jamie est mort, ouais. Voilà, et puis elle a vu tout le monde mourir autour d'elle, et puis, parce que même, même Dan s'y était un peu attaché quand même. Ouais, alors il est pas encore complètement mort, il mourra un peu plus tard alors qu'elle tente de le mettre dans une voiture pour l'amener à l'hôpital et que lui répète qu'il faut rester isolé. Il meurt à ce moment-là, ouais, dans la bagnole. Et la conclusion du film, c'est 4 mois plus tard à l'hôpital où Mary est enceinte. Oui. Et va à une échographie. Il y a eu une scène, on ne l'a pas dit, mais il y a eu une scène de coucherie entre elle et son copain. Ouais. Qui est assez brutale. On sent qu'en fait, c'est plus le parasite, on va dire, qui le contrôle à ce moment-là. Oui. Qui le contrôle en mode, il faut se reproduire. Un peu après ça, il y a un autre dialogue entre le scientifique et lui, du coup, qui explique que bah, ça peut passer via la reproduction aussi. Donc t'as ça dans un coin de ta tête quand même, pendant la fin du film. Enfin, à ce moment-là, t'as ce souvenir qu'ils ont couché ensemble, et à la fin du film, pendant la scène chez le gynéco, parce que c'est du coup ce que t'allais nous dire, pendant une échographie pour voir si le bébé va bien, là, t'as tout ce souvenir-là qui te revient. Donc déjà, en tant que spectateur, alors que t'es sur la fin du film, que la bestiole est morte, t'as de nouveau une petite tension qui renaît. Bah, sachant que je trouve ça bien fait parce que c'est pas entièrement clair sur est-ce qu'il y a réellement quelque chose ou non, en fait, à la fin. Oui, alors, parce qu'en fait, ça joue sur les écrans d'échographie qui, quand t'as pas un œil médical, sont assez durs à lire, finalement. Oui. Et du coup, à la fin, moi, à la fin, j'ai eu l'impression de voir quelque chose. Mais est-ce que j'ai vraiment vu quelque chose ou est-ce que finalement il n'y a rien ? C'est ça la question. Bah, c'est ça, et puis je pense que sur un écran d'échographie, on voit des fois des trucs, des anomalies, des images, mais qui sont normales, quoi. Je pense qu'il y en a qui sont possibles, donc je pense que ça joue beaucoup là-dessus, sur notre inquiétude accumulée, et que ça nous laisse dans le doute, et ça c'est plutôt intelligent comme fin. C'est ça. Le médecin, lui, par contre, dit clairement « tout va bien ». Oui. Donc après, voilà... T'as quand même ce rattachement à la figure médicale et donc qui connaît son métier et qui, elle, sait parfaitement lire un écran d'échographie, lui te dit tout va bien. Donc, après, à toi d'interpréter la séquence comme tu le souhaites, quoi, au final. Ouais. Marie, en tout cas, elle semble beaucoup s'inquiéter, mais encore une fois, vu ce qu'elle a vécu, on peut dire c'est normal, quoi, qu'elle s'inquiète comme ça. Elle s'inquiète, mais tu sens que quand le médecin lui dit que tout va bien, elle a quand même un petit relent de soulagement. Oui, elle est entre les deux à la fin. Voilà. Mais voilà comment finit Isolation, et bah c'était un vraiment très chouette film. Hein. Ah, c'était une bonne petite découverte, une bonne petite production. Tu sens que vraiment ça, le budget en fait n'était pas très élevé, mais que les mecs se sont quand même démerdés par tous les moyens pour faire quelque chose de vraiment qualitatif. Quoi. Oui, voilà, qu'ils ont mis l'argent qu'il fallait, notamment dans tout ce qui est animatronics, pour que ça soit le mieux possible. Ah mais les vaches, j'en reviens toujours pas. Moi. Ah oui, vaches... c'est vraiment impressionnant. Hein. Ah là là, les vaches, pendant tout le début du film, c'est des fausses, mais putain. Ok. Non, vraiment une très très bonne surprise, et comme dit, bah, c'est clairement dommage que Billy O'Brien, finalement, après ça, il n'a pas fait grand-chose. Quoi. Alors après, peut-être que ses autres productions sont pas terribles, hein, faudrait voir, mais... Oui, il faudrait les regarder. Mais voilà. Je crois que son film avec Christopher Lloyd n'a pas l'air d'avoir une mauvaise réputation. Donc... I'm not a serial killer, moi j'en avais déjà entendu parler avant même qu'on fasse cette émission. Donc, peut-être que oui, peut-être qu'il est bon. Bah moi c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas sur celui-ci, et je pense qu'on va pouvoir le classer. Oui, clairement. Classement intermédiaire de 3 titres. Alors on va quand même vous faire l'ordre, hein, parce qu'on n'est pas des feignants. Tarantula, Crawl, L'Incroyable Alligator. Jack Arnold, Alexandre Aja et Lewis Teague. Pour l'instant, on a fait 3 épisodes, c'était 3 gros noms. Hein. Là voilà, on arrive enfin sur du film un peu passé inaperçu aux yeux du grand public. Ouais, quoi qu'il a quand même gagné le Grand Prix à Gérard May, donc il a sa réputation. Hein. Ouais, mais Gérard May n'est pas un festival de grand public, attention. Non, certes, mais on est loin d'être dans les trucs les plus obscurs qu'on abordera peut-être un jour. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Alors, Tarantula, il me semble que c'est... j'avais pris la parole directement pour dire où je le voyais, donc je vais te laisser prendre la main sur celui-là. Parce que autant le vidéoclub, c'est facile, parce qu'on fait chacun un des classements, bon là, il n'y a qu'un seul classement, donc... Bah moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que, ouais, niveau travail d'ambiance, travail sur l'horreur, il est très très bien. Les effets spéciaux, comme on l'a dit plusieurs fois, ils sont très impressionnants pour le budget, même en général. Il y a un petit fond pas extrêmement développé, et comme on l'a dit, il aurait pu aller plus loin, on peut avoir des doutes, mais il y a quand même un fond sur l'expérimentation animale et compagnie. Mm. Les personnages sont cool. Oui. Moi, franchement, pour moi, je pense qu'il prend la première place hein, pour le moment. Bah écoute, moi, j'hésitais vraiment entre première place ou seconde derrière Tarantula. Qu'est-ce qui pêche côté Tarantula ? En fait, le problème de Tarantula, c'est que les choses où il n'est pas supérieur à Isolation, c'est tout simplement à cause de l'époque. Oui. Forcément que Tarantula a des effets spéciaux moindres que ceux d'Isolation, c'est logique. Mais du coup, forcément que ça joue sur la perception du film. Bah, on peut dire aussi que les personnages sont bien hein, dans Tarantula, mais ils sont peut-être un peu plus convenus. Oui, bah ils sont clichés, mais ça c'est aussi beaucoup avec le regard de l'époque, de notre époque. Oui, ça joue aussi effectivement, ouais. Mais quoi qu'il en soit, je suis d'accord. Hein, je pense que Isolation mérite la première place, mais de pas si loin, tu vois. Oui, bon, et puis on avait déjà hésité sur les places entre Tarantula et Crawl, donc là on est quand même sur des films, ça va changer un jour, hein, mais on est quand même sur un top 3 de films qui sont plutôt vraiment chouettes. Oui, hein. oui. On a eu la chance sur les tirages au sort. Là, clairement, on est quand même à milieu de L'Incroyable Alligator. Sans que ça soit un mauvais film, on est quand même à milieu. Ouais. On est d'accord. Très bien, bah nous allons... Donc, Isolation de Billy O'Brien prend la première place. Et nous allons procéder au tirage pour la prochaine fois. C'est à moi de choisir un nombre, je crois. Il me semble, oui, que c'était ça. C'était moi qui t'avais dit... Ce sera 54. 54, c'est-à-dire... Ah ! On va changer d'animal, mais pas trop. Parce qu'on ne va pas parler d'alligator, on va parler de crocodile. On va parler de Lake Placid Legacy. Ouh là là, je sens que ça va être bien, ça. Voilà, on aurait pu partir sur le premier. Au moins, on aurait su que c'était pas un mauvais film. Mais là, j'ai comme un doute. C'est réalisé par qui ? Alors, Lake Placid Legacy, c'est-à-dire le 5e épisode de la saga, sorti en 2018, réalisé par Darren James Rhodes. Bon bah Dared, on voilà. se revoit dans un mois. Hein. Donc le dernier épisode de la saga, parce qu'après ça c'est Lake Placid versus Anaconda. Tout un programme. Ouais, voilà. Bah, je sens que ça va être fameux ça. Ah bah il fallait bien qu'un jour on tape dans le fond du fond. Hein. Oui, oh bah là il est temps. Et là je pense qu'on y va les pieds dedans. On va pas épuiser tous les bons films d'un coup. On y va à pieds joints. Hein. Et attends, et pour l'instant, note. On fait un podcast d'attaque animale. Là, ça sera le cinquième. On n'a fait encore aucun film de requin. Oui, effectivement. Pour l'instant, on se débrouille bien pour les éviter. On a de la chance. C'est quand même assez ça incroyable. Ça évite de faire doublon avec Shark Parade. C'est ça. Et ben voilà, du coup, Lake Placid Legacy. Très bien. Peut-être pas l'acheter en vous DVD. Vous pourrez nous retrouver dans... Non, il faudrait déjà qu'il existe. Déjà, dans 2 semaines, vous pourrez nous retrouver dans notre autre podcast, le Vidéoclub de Castle Rock, où nous parlerons de la nouvelle Celui qui garde le verre de Stephen King et de son adaptation en série Chapelwaite. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @ cinéma archiviste sur Blue Sky pour toi, @ Chris-6 Lost Tales pour moi, sur Blue Sky également. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, Twitch et pour moi sur YouTube, la chaîne L'Archiviste du Cinéma. N'hésitez pas à regarder tout ça. Je fais un nouveau podcast aussi avec d'autres gens, pour une fois. Oui, oui, oui. L'infidélité, c'est comme ça que ça commence. Ouais, ouais, c'est comme ça, désolé. Ça s'appelle Woman, c'est consacré aux réalisatrices d'Asie. Et le premier épisode est sorti, il est sur Julie Jung. Voilà, je vous incite à écouter tout ça. Je mettrai les liens, encore une fois. Je pense qu'on a tout dit. Oui, oui. Très bien, bah dans ce cas, on se retrouve dans un mois pour parler de Lake Placid Legacy. On n'a toujours pas de phrase de conclusion. Non, mais du coup, Graou Graou. Graou Graou, encore une fois, ou Meme, tiens. Ah, c'est vrai ça. Meme. Et à très bientôt. Les vaches de Marcel et son orchestre, voilà. La recommandation musicale de cet épisode. Oh, bon, on la notera, allez, on dira aux gens d'aller l'écouter. À la prochaine. À plus. Thank you.